force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions chaque jour à OSB s'appelle Yahvé Tchikenou, le Dieu de justice. Je parle à quelqu'un qui subit des injustices. C'est vrai, tu peux subir des injustices, mais laisse-moi te dire qu'il y a un avocat, c'est Jésus-Christ. Il est capable de te défendre. Et ce Dieu qui est le juge suprême, il est à ton côté. Il va te rendre justice. La Bible nous dit que Dieu, il va rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Ne perds pas courage, confie-toi en lui. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 35, 1 à 17. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le texte du jour, le psaume 35, 1 à 17. De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que les routes soient ténébreuses et glissantes et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche, avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce psaume 35, 1 à 17. Première vérité, l'Éternel nous défend et il combat pour nous. David a expérimenté cette réalité, c'est pourquoi il formule cette prière. Éternel, défends-moi contre mes adversaires et combat ceux qui me combattent. Au verset 1, Dieu a toujours combattu en faveur de son peuple et en faveur de ses serviteurs qui craignent son nom. Lorsque les enfants d'Israël étaient poursuivis par Pharaon devant la mer Rouge, ils eurent peur en voyant l'armée de Pharaon derrière eux. C'est alors que l'Éternel leur fit cette promesse par l'entremise de Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Peut-être que quelqu'un qui m'entend, tu es victime des combats. Tu es poursuivi spirituellement, tu ne dors pas, tu es oppressé, tu vis des choses difficiles, tu vas d'épreuve en épreuve, des attaques même physiques. Mais Dieu est capable de te défendre, comme il a défendu Israël. Néhémie était aussi combattu, mais il avait la confiance en l'Éternel lorsqu'il fut combattu par un certain Sanballat. Sanballat qui a formé une ligue, Sanballat, Tobija et leurs alliés. Ils s'opposaient à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. C'est pourquoi il s'adressa au peuple juif en ces termes, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Néhémie 4, verset 20. Donc nous devons réellement savoir que Dieu combat pour nous. gardons la même assurance. Lorsque nos ennemis nous combattent, nous devons demander à Dieu de combattre en notre faveur et de nous défendre. Mais faisons attention, ce psaume fait partie de ce qu'on appelle le psaume d'imprécation, où on a l'impression que les chrétiens peuvent aussi prier pour la mort de ses ennemis, pour que Dieu les détruise, pour que Dieu envoie la foudre. Faisons attention. Nous devons savoir que le contexte n'est plus le même. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais nous devons lire toujours l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Là où Jésus a changé, nous devons suivre ce que Jésus a changé. Parce que Jésus a dit, vous avez entendu, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de prier pour vos ennemis. En réalité, aujourd'hui, maintenant, les ennemis contre lesquels nous combattons, ce ne sont plus les ennemis physiques, ce sont les ennemis spirituels. Parce que Paul va dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc faisons attention lorsque nous lisons ce psaume-là. N'appliquons pas ça de manière intégrale pour dire, bon voilà, comme ma belle-mère est une sorcière, elle me combat, moi aussi je dis, je prie pour sa mort. Non, faisons attention, c'est une parenthèse. David énumère certaines armes que Dieu utilise pour défendre son peuple. Il parle du petit et des grands boucliers, de la lance, le javelot. Toutes ces armes sont utilisées ici de manière symbolique. Nous savons que dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous parle de l'armure du chrétien. Nous devons porter les armes spirituelles. On nous parle de la cuirasse de la justice. On nous parle du salut comme casque. On nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On nous parle du bouclier de la foi. On nous parle de la vérité comme ceinture. Donc il faut qu'aujourd'hui, nous puissions nous armer spirituellement pour combattre nos ennemis et pour tenir ferme devant les ruses du diable. Lorsque Dieu combat pour nous, la confusion s'installe dans le camp de nos ennemis. C'est pour cette raison que David renchérit en disant qu'il soit confus et honteux ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. En réalité, lorsque nous confions à Dieu, lorsque nous ne décidons pas de nous venger, nous laissons Dieu combattre. C'est lui-même qui va nous venger, c'est lui-même qui va envoyer la confusion dans les camps de nos ennemis. Deuxième vérité, nos ennemis conçoivent le mal contre nous. Nous devons être conscients de cette réalité. Nous avons des ennemis. Ça peut être des ennemis spirituels, ça peut être des ennemis physiques. Ils conçoivent le mal contre nous. David l'a expérimenté. Les versets 7 à 17 nous révèlent plusieurs œuvres ou actions de méchants contre les justes. D'abord, il dit, ils nous tendent sans cause les filets et creusent une fosse pour nous ôter la vie. Verset 7. Nous les voyons constamment dans le ministère de Jésus où les pharisiens lui ont tendu plusieurs pièges pour chercher à les condamner et ensuite les faire mourir. Mais l'Éternel fait tomber les méchants dans les pièges qu'eux-mêmes creusent, selon le verset 8. Nos ennemis aussi font quoi? Ils nous dépouillent, verset 10. Ils veulent prendre ce qui nous appartient pour nous plonger dans la misère. Ceci nous rappelle l'œuvre des Madianites qui ravageaient les récoltes des enfants d'Israël dans Juges 6, 3 à 6. Donc il y a souvent l'esprit des Madianites. C'est un esprit qui vient pour ronger ce qui nous appartient. Tu fais quelque chose et puis il y a toujours quelque chose qui vient pour ronger cela. Tu as acheté un terrain mais tu ne peux pas en jouir. Tu as bâti une maison mais tu ne peux pas y habiter. Il y a toujours quelque chose comme ça. Donc il y a un esprit, l'esprit des Madianites. L'ennemi veut nous dépouiller, prendre tout ce qui est à toi, prendre spirituellement, prendre physiquement, prendre tes biens, prendre ton argent, prendre ton poste. Et puis il témoigne faussement contre nous. Verset 11. Les principaux sacrificateurs produisirent plusieurs fausses accusations contre Jésus. Marc 15, 3. Je vais parler à une sœur. Si les gens complotent contre toi, ils t'accusent injustement, ne sois pas étonné. Si ta belle-sœur est en train de provoquer la division entre ton mari et toi, elle raconte des mensonges, des choses même que toi tu n'as pas dites, ne sois pas surprise. Ça fait partie des stratégies de l'ennemi. Ils témoignent faussement contre nous. Et puis, ils nous rendent le mal pour le mal. Verset 12. David relève les actes qu'ils posaient en leur endroit, qui méritaient la reconnaissance. Ils jeûnaient, ils priaient pour eux lorsqu'ils étaient malades, versets 13 à 14. Par contre, lorsque David est dans le malheur, eux, ils se réjouissent, verset 15. Ils s'assemblent pour l'outrager. Donc, ça s'appelle l'ingratitude. Tu as aidé quelqu'un.

aussi à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, mon frère, bénis le Seigneur, lui qui t'a gardé toute la nuit d'aujourd'hui, lui qui te protège, lui qui pourvoit tes besoins. Élève ta voix. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission qui est produite à partir d'Abidjan sur la Radio Nationale des Églises Protestantes et Évangéliques de Côte d'Ivoire, appelée la radio Fréquence Vie. Vous avez au microphone votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Et aujourd'hui, nous prions en nous inspirant du psaume 35, du premier verset jusqu'au verset 17. Nous vous proposons quelques sujets de prière. Nous allons chacun prier pour demander à Dieu de nous défendre et de renverser tous les projets de nos ennemis. Il a promis de combattre pour nous, que Dieu lui-même puisse combattre en notre faveur, au nom de Jésus. Et nous allons nous lever contre toutes les puissances sataniques et spirituelles qui nous combattent, qui nous attaquent, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, ce matin, mon âme encore te loue, mon âme encore t'exalte, mon âme est reconnaissante parce que tu fais pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Merci pour la protection que tu nous accordes, la vie en abondance. Merci pour tes anges qui détruisent les plans d'ennemis. Quand les hommes complotent contre nous, quand les hommes méditent des projets macabres contre nous, tu les fais dévier, tu les annules parce que tu nous aimes et ta parole est vivante et ta parole est efficace et ta parole est réelle et tes promesses sont oui et amen dans la vie de ceux que tu aimes, dans la vie de ceux qui sont rachetés. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie de ce que tu nous fais voir ce merveilleux jour. Merci parce que tu as promis de nous défendre. Et la Bible dit, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Seigneur, oui, lève-toi pour nous secourir. Combat tous ceux qui combattent notre destinée. Toutes les méchancetés de l'ennemi qui s'élèvent contre notre avenir. Combat-les Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les projets des ennemis qui sont dirigés contre nous, qui sont dirigés contre nos projets, tous ces ennemis qui s'élèvent de façon injuste dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de carrière, dans nos lieux du ministère à l'église. Seigneur, que toutes ces œuvres d'ennemis soient noyées dans le sang de Jésus-Christ. Merci parce que ta promesse est réelle, ta promesse est vivante. Elle tient encore pour chacun de nous qui croyons en toi. Merci Seigneur, parce que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre des pièges de nos ennemis. Nous venons de voir que l'une des stratégies de nos ennemis, c'est de nous tendre des pièges. Comme les sacrificateurs tendaient des pièges, il peut venir avec des pièges en te posant des questions. Il y a ceux qui tendent des pièges spirituellement parlant. Vous voyez, il y a des pièges devant des portes. Vous voyez quelqu'un avant d'entrer dans une parcelle, il tombe. Les gens tombent toujours dans un endroit, il y a des pièges. Nous allons prier pour que les pièges de l'ennemi soient neutralisés. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père éternel, nous te glorifions, nous magnifions ton saint nom. Ta parole déclare que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions ce matin, ô Père éternel, et nous te demandons que ta grâce se manifeste dans nos vies. Nous prions contre tous nos ennemis et tous nos adversaires, les pièges qui tendent contre nous, les pièges qui tendent pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Nous déclarons que ces pièges sont démantelés, ces pièges sont désactivés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature des pièges, quelle que soit la forme des pièges, nous déclarons qu'ils sont anéantis dans le nom puissant de Jésus. Les projets de l'ennemi concernant notre vie, concernant notre avenir, concernant notre destinée, ne prévaudront jamais. Oh Dieu, fais en sorte que le contraire de ce que l'ennemi prévoit contre notre vie se manifeste. Fais en sorte, Père, que nous ayons toujours la supériorité sur nos adversaires. Identifie, ô Père éternel, les plans et les projets de nos ennemis. Éclaire-les afin que nous puissions nous en échapper. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. Nous prions contre tout filet satanique tendu par l'ennemi contre les fils et les filles de l'Éternel. Nous déclarons que ces filets sont détruits. Merci, Père éternel, pour la protection que tu nous procures. Merci, Père éternel, pour la sécurité que nous avons en toi. Merci, Père éternel, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Et enfin, merci, Père, pour ton amour à notre égard, pour la provision divine. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour réclamer toutes nos bénédictions dont l'ennemi nous a dépouillés. Si par exemple tu vois que tu étais dépouillé de tes bénédictions, tu étais dépouillé de ton poste, tu étais dépouillé de ta voiture, tu étais dépouillé de ta parcelle, de ta maison, tu étais dépouillé de plusieurs choses, tu vas réclamer la restitution, que le Seigneur lui-même puisse agir en ta faveur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérance. Alléluia, alléluia, notre Dieu. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas élever mes mains pour te dire infiniment merci, parce que tu es le Dieu, effectivement, qui combat pour nous. Tu es le Dieu de la restitution, tu es le Dieu qui nous redonne tout ce que nous avons perdu. Ainsi donc, étant équipés des armes spirituelles, du sang de Jésus et de ta parole, nous nous levons pour réclamer toutes les bénédictions que l'ennemi nous a dépouillées, que l'ennemi nous a volées, que l'ennemi a dans ses mains injustement. Seigneur, nous nous levons contre ceux qui sont à tort nos ennemis et qui se réjouissent de ce qui retient un aspect de notre vie. Seigneur, que maintenant tu les juges au nom de Jésus-Christ. Juge ces méchants de nos familles. Juge ces méchants qui nous entourent et qui ont dépouillé nos parcelles, nos terrains, nos maisons, nos mariages, notre guérison, notre santé, notre famille, nos enfants, nos visas et de tout genre de bénédictions qui devaient nous revenir. Oh Dieu, assez c'est assez. Merci de te manifester à notre égard. Merci parce que tu étends ta main puissante pour nous restituer, pour nous redonner, pour nous accompagner dans toute cette récupération de ces grâces. Sois exalté, Jésus-Christ, notre Dieu qui fait ces choses dans notre vie. Merci pour le témoignage que tu accordes à quelqu'un. Accorde la restitution que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver demain. C'était OSB. Au revoir. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter.